La Voix du Peuple, journal d'Internet sud-coréen, a écrit dans son éditorial le 29 juillet. Le gouvernement a fini par fonder une soi-disant fondation humiliante destinée à aider les victimes de l'esclavage sexuel, selon l'accord de l'année passée sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise.